La question je l'avais déjà décortiquée mille fois. Les cicatrices d'un cœur reviennent labourer l'esprit. L'esprit tente de s'enfuir mais est prisonnier chez lui. Comment peut bien s'appeler ce qui l'empêche d'appeler l'ami? Comment pourrait bien s'appeler ce malin tour que joue la vie? Le temps se fait lourd car la pensée est lourdoucie. Les cercles tournent et tournent, les pins sont cachés loin. D'ici, d'ici, d'ici. Loin, loin, loin. Le point de départ. Reviennent te dire que demain est loin. Demain est loin. Un brin de joie peut naître d'une mélodie. La joie comme la tristesse souvent se multiplie. Rien à foutre de ce qui devrait être, je suis ici. Respirant l'oxygène, content qu'il n'y ait pas un bruit. Le plaisir est plaisant quand il est vraiment présent. Le plaisir est navrant quand il est simplement absent. Toutefois une partie de moi aimerait entendre retentir l'idée, le téléphone ou une promesse de partir, partir, partir. Loin, loin, loin. Le point de départ revient te dire que demain est loin. Demain est. Ciao.